nange pumba mina Yesu. Solo na zinga mina makila na yeho. Tuna moi kosi na yuda kubate na ba. Lilo bala ye moto pe mopanga. Ebebi saka misala ya satana. Bomo inange bomba mina Yesu. Kosi na yuda nani akosi mbanga. Akuta wali. Na zinga mina makila na yeho. Tuna moi kosi na yuda. Lilo bala ye moto pe mopanga. Ebe bisaka misala ya satan. Oh le li le le le. Apanti ya mo ya peke mo. Omote na lola pe awana se. Ako kani na ye o. Oye ma mesia. Ako kisi nyoso ne kusu. Ako kisi nyoso ne kusu. Ona si mambu ya peke mo na ye unako mambu. Yeah.

tombolewa. Ha ha ha ha, tumepata neema. Ha ha ha ha ha, tumekombolewa. Sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur, sauveur. sauveur, tu es mon sauveur, sauveur, sauveur. Oh, mtakatifu, unijaze na nguvu. moja. Oh, mtakatifu, unijaze kabisa. Yeah.